Ensemble en boîte, voilà ce que t'avais vendredi dernier enregistré sur ton portable. Ne nous fais pas honte, mais du mascara et des habits convenables. Ce soir, ma fille, ne fais pas de chichi, on te case ou on te mac, et ça fait. Ouais, tu danses, tu joues le jeu simplement. Ce soir, il t'invite à zouker, il est grand et bien coiffé. Ses deux mains sur tes hanches attendent un signal pour partir en balade. Tu lui donnes sa chance, il te prend la bouche et tu le sens contre ta hanche. Ce soir, ma fille, ne fais pas de chichi, tu le ramènes chez toi et ça fait. Tu joues le jeu simplement. We'll be right back. Tu l'entendras toute la nuit, au fond de ton lit, les yeux mi-clos dans ta nuisette en satin blanc. Et la salle de bain deviendra le son suave de son vomi. Ce soir, ma fille ne fait pas de chichi, relie l'être et le néant, et ça fait boum sur la faïence. Ah, ah. Tu joues le jeu simplement. Au saxophone, à nos trombones, Florent à la batterie, à la guitare, et Greg à la basse. Greg à la basse.